à tous. Salut Charline. Bon, bah, ils sont où les garçons là? Eh ben, alors, on sait là. Pas vraiment là. Tu ah vois. Bah ça va bien se terminer cette saison. Bon, ouais. Le truc c'est qu'ils ont dû picoler hier soir. Ouais, voilà. Enfin ça va, on boit tous un verre de rosé sous la canicule, mais enfin le lendemain on est au boulot quoi. Vous êtes d'accord quand même? Oui. L'alcoolisme ne devrait pas avoir d'impact sur le PIB de la France. Non mais en fait je pense qu'ils étaient au foot. Au foot? Mais oui, il y avait France Belgique. Ah bon. Bah Charline quand même. Qui a gagné d'ailleurs? On n'entend plus chaud. Ah ouais d'accord. Alex, tu descends tout de suite du dos de Guillaume. Non mais c'est comme ça, j'ai perdu le pari. Voilà. Et quel pari d'abord? Bah, la France a perdu le match, donc voilà, soit je devais porter Alex sur mon dos du Stade de France jusqu'à ici, soit je devais regarder tous les épisodes de toutes les saisons de Caméra Café sans interruption. Alors, même avec mes problèmes de dos, j'ai choisi de le porter. Vous vous rendez compte qu'on a une émission à préparer? Oui, il s'est passé plein de choses ce week-end. Le PS à Poitiers, le G7, la Ligue des Champions. Non, non, alors pas le foot, c'est pas de l'info. La Turquie, les Frondeurs, la Belgique, c'est de l'info. Non, non, non, vous voulez pas comprendre quoi? Mais quoi? Vous sentez non. En plus. Non, ça m'étonnerait. Vous savez non. quoi? Vous allez décuver dans le fond du bureau. Moi, je veux plus vous entendre les branquignoles. Oh là là. Ouh, c'est bon, ça fait du bien. On n'entend plus chanter les branquignoles. On n'entend plus chanter les branquignoles. Bonjour la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui place des pièges à souris dans les coins de l'actualité. C'est comme ça, quand on a dans le bureau, ça ressort aussi à l'antenne. Et voici les trois informations qu'on va attraper jusqu'à 18h. J'espère que les infos vont les attraper parce que la souris, on l'a toujours pas trouvée. Aujourd'hui, c'est chic de se balader avec son banquier. Vous êtes plutôt Emmanuel Macron comme Manuel Valls ou plutôt Mathieu Pigasse comme Arnaud Montebourg qui a flingué le PS hier? Oui, j'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Les politiques ont la passion du sport. Hollande supporte Brive au rugby. Fillon est plutôt sport automobile. Et puis, il y a... Nicolas Sarkozy est supporter du PSG. Marseille ! Marseille ! On t'encule ! Paul McCartney est en tournée où flotte toujours l'esprit de John Lennon. C'est un peu comme si John McCartney était en tournée avec Paul Lennon. Je suis John Lennon ou je suis pas John Lennon? J'ai deux idoles, John Lennon et John Lennon. Putain de bordel de merde, c'est moi, John Lennon. Pour découper ces trois informations, je suis accompagnée du Ringo Starr de l'actualité, sauf que lui joue de la grosse caisse, Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker, vous avez un petit brin de voix de hooligan très agréable. Et aujourd'hui, autour de la table, je vous ai mis une toute belle équipe à 17h20. Cet homme est capable de créer des jingles artisanaux pour n'importe lequel de vos événements dans votre vie privée. Sa dernière création, c'était ce week-end pour le baptême de la petite Julie. C'est le baptême à Julie. Voilà, vous l'aurez entendu. Thomas VD. C'est bien moi. De quoi on va parler? Eh bien, on va parler d'un événement qui a eu lieu en Ardèche ce week-end. Un événement qui rassemblait des amateurs de musique et des amateurs de nazisme. Ouais, ah, ça, c'est un bon pitch. À 17h30, comme vous le savez maintenant. Hier, nous avons été au stade ensemble. Et pour la première fois, après 90 minutes, je l'ai vu respecter son prochain. Malheureusement, il avait interviewé les supporters belges avant le match. C'est Guillaume Meurice. Et oui, effectivement, nous sommes allés ensemble au match France-Belgique. Il y avait plein de Belges passablement sous avec du maquillage noir, jaune, rouge qui coulait le long de leurs joues, qui suintaient la bière. Toujours dignité, gardons. Ça, c'est la dignité belge, hein? Toujours, toujours. La fameuse dignité belge. Alex, vous étiez dans la méta. Ne rigolez pas. Et à 17h40, celle qui est en lice pour devenir le visage de Marianne la prochaine fois qu'ils en changeront. Et moi, je voterai pour elle, car à elle seule, elle est meilleure, elle donne une meilleure image immobile. J'avais pas bien écrit cette phrase, je la reprends. Car à elle seule, immobile, elle donne une meilleure image du pays que 11 maladroits qui courent, c'est Clara Dupont. Reprends-la, je te jure. Elle était bien celle-là. C'était mieux en bafouillant, c'est ça qui est marrant. Une fois que j'en avais écrit une bonne, c'est l'échec. Sinon, on parle de quoi, Clara, tout à l'heure? Eh bien, après le congrès du PS à Poitiers, je vous parlerai d'un livre sur la souffrance. Ah, formidable. J'espère qu'on finit avec ça. Super. Et oui, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous Charles de Gaulle, vous rencontrez Ivan Le Bolloc en 89 quand Gorbatchev rencontre George Bush qui déclare la guerre froide terminée. Vous écrivez et jouez dans Caméra Café à partir de 2001, c'est l'année où la Colombie inaugure sa bourse des valeurs. Vous incarnez Pierre Mendès France. France pour France 2 en 2011. C'est l'année où Manuel Valls récolte 5% à la primaire PS. On voit où ça mène. Vous êtes, je vous laisse le dire. Qui êtes-vous? Je suis Bruno Lassalle. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, je dis tout. Donc, je me prends sous mon vrai jour. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes. J'annule tout. C'est vrai que pour un mec qui a commencé en duo, Bruno Solo, Bruno Lassalle. Oui, mais c'est marrant parce que cette année, j'ai fêté le fait de porter le nom de Bruno Solo depuis plus longtemps que Bruno Lassalle. J'ai 50 ans, j'ai porté 24 ans le nom de Bruno Lassalle et depuis 26 ans, depuis que je suis rentré dans ce métier, enfin depuis que je vis de ce métier parce que j'étais rentré avant mais personne ne le savait, et depuis que j'en vis, je m'appelle Bruno Solo. Donc voilà, je m'appelle maintenant officiellement Bruno Solo jusqu'à la fin de mes jours. Donc on reçoit aujourd'hui... Je l'ai fêté avec un copain, c'est tout. Hein, ça n'a pas été non plus... On reçoit le citoyen aujourd'hui, donc pas l'artiste. À chaque fois, vous recevez le citoyen. Ouais, c'est ça, vrai. Et pourquoi Solo plutôt que Lassalle? Parce qu'il y en a un qui joue le collectif et l'autre la solitude. Oui, c'est pas mal observé, effectivement. Alors il faut vite que j'ai une réponse à quoi. C'est que drôle, quand j'ai commencé avec Yvan, lui pour le coup son nom couille en anglais bollock, c'est son vrai nom. Ah, oui, c'est vrai. Et un nom qui claque comme ça accompagné de Bruno Lassalle et Yvan le bollock, ça n'est pas. Il dit faut qu'on fasse un duo, faut que tu trouves un nom d'Auguste, de clown. Et puis j'ai pensé à Harrison Ford qui était un clown triste à sa manière et qui était surtout le héros de la Guerre des Étoiles, dont j'étais cœur de cible à 13 ans lorsque j'ai vu ce film pour la première fois. C'est pour ça que je me suis appelé Bruno Solo. Et on parle de rencontres et c'est le thème du film dans lequel vous jouez et qui sort le 10 juin, qui s'appelle Être, de Farah Sen. Ça sort en salle donc mercredi. Alors, c'est un film, est-ce qu'on peut dire... Alors, c'est difficile à résumer, c'est impossible même en fait. C'est-à-dire, comme il y a 10 personnages, il faudrait résumer le destin. Exactement. De ces 10 personnes. 10 personnages. Alors, 10 destins contrariés en plus. C'est un film qui est à la fois sombre, parce qu'on se voit dans l'image, il est sombre de A à Z, mais il y a la lumière des rencontres humaines et des destins qui se croisent, avec une forme d'écriture qui est vraiment très spéciale, vraiment un film d'auteur et une forme qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais quand on lit le synopsis, alors il faut voir le film parce que quand on lit le synopsis, ça commence par François est un policier au bout du rouleau. Quand on lit ça, on est sûr de tomber sur un film français, un drame social. Que dire, Bruno Solo, pour passer au-delà du cliché et parler de ce film qui a une forme d'écriture très particulière? Non, mais c'est ça, c'est un film, un vrai film existentiel, le vrai questionnement de chacun d'entre nous, comme notre voie semble toute tracée, à partir de quel moment on décide de bouger les lignes, à partir de quel moment on décide de prendre sa vie en main, avec une réussite ou un échec, c'est d'ailleurs ce qu'évoque le film, puisque pour certains ce sera une illumination, une réussite, pour d'autres ce sera la chute absolue, finale, totale, fatale. Et voilà, ça raconte effectivement cette volonté qui est en nous de se dire merde, vous nous avez imaginé sur telle voie, essayons le chemin de traverse. Il y en a qui le veulent, qui n'y arrivent pas. Quand on veut, on peut, ça c'est des trucs de parvenus. Des fois on veut toute sa vie, on ne peut jamais. Mais eux, ils veulent, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir, mais en tout cas, ils vont le faire. Donc on suit 10 personnages, on rentre dans leur vie. Mmh. Donc à chaque fois, il y a même un rappel avec leur prénom pour bien les identifier, les accompagner et leur destin vont se croiser. Il y a évidemment la fibre sociale de l'acteur Bruno Solo, qu'on sent bien, qui s'exprime pleinement ici. C'est un sale gauchiste, on peut le dire. Oui, fibre sociale. Ce que je trouve amusant, c'est d'ailleurs le réalisateur a pensé à vous en vous croisant, dit-il, dans un tram un jour à Nantes. Mm-hmm. C'est, un jour, il ne vous a pas abordé, mais vous a observé, vous a trouvé tellement sympathique qu'il est peut-être presque entré en empathie avec vous, et c'est pour ça qu'il a pensé à vous pour le film. Heureusement qu'il ne m'a pas rencontré la nuit dans un tram, lui et moi. Il m'a trouvé sympathique au point que j'aurais peut-être dit non au film plus tard. Ça touche déjà, ça. Oui, ça m'a plu, surtout qu'il ne me l'a pas dit quand il m'a envoyé le scénario, il ne me l'a pas dit quand je lui ai dit oui. Puis 5 ans plus tard, lorsque finalement le film s'est fait, parce qu'entre le moment où il a fait cette rencontre et ce 10 juin, donc dans 2 jours, lorsque le film va sortir, il s'est passé 6 ans. Et il ne me l'a dit que lors d'une promotion en Belgique, puisque le film a été en partie tourné grâce à la Belgique, en Belgique, mais aussi grâce à des producteurs belges. Beaucoup d'acteurs belges, vous donnez du travail aux Belges, c'est bien. Et toute l'équipe technique était belge. Et voilà, c'est là qu'il l'a dit sur un plateau télé où il était invité et on lui a demandé pourquoi vous avez choisi Bruno. Il a raconté cette anecdote. Évidemment, j'étais sans voix après, assez ému. Et puis je me disais que voilà, sans le savoir, mon destin a croisé celui de Farah Sen sans que je l'ignore et en le découvrant plus tard. Un peu comme dans le film. Oui, et je me suis dit que c'était un joli sujet aussi. Voilà. Je me suis souvent posé la question avec mon épouse, par exemple, quand je vois des photos d'elle un peu plus jeune, de savoir à quel moment, parce que je suis très amoureux de ma femme, et je veux dire par là, que lorsque je vois des photos d'elle, je me dis à quel moment j'étais au moment où tu avais 15 ans. Et on a découvert un jour qu'on était, on passait les vacances au même endroit et que peut-être je l'ai croisée sans le savoir. Vous l'aviez trouvée moyenne. Plus tard, elle était magnifique. Et c'est un peu l'histoire du film, donc Être de Farah Sen qui sort en salle mercredi avec notamment. Son premier film en plus. Son premier film, premier long métrage avec Salim Keshiouch, Benjamin Ramon, on dit Ramon ? Ramon, attention, Benjamin Ramon. Jenna Timba, Karina Testa ou Kevin Diana. Oui, voilà. C'est ça. Et voilà, vous êtes sur France Inter avec Bruno Solo, on est ravis. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. Nigga, but you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking home, breaking out. You wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Sont à fond sur les Pixies, Thomas VDB, Bruno Solo. Ça parle top 50. Oui, ça parle Pixies. François Feldman. La musique, j'ai on est parti François Feldman à la base. On est parti François Feldman pour arriver aux Pixies. Bruno Solo disait qu'il adorait. Et pourtant, Pixies, ouais. Et pour que je dise ce que vous avez dit, vous. Tout le monde s'en fout, leur cher auditeur. Pendant qu'ils discutent, je t'informe, toi qui es dans ta voiture et qui as envie de savoir ce que c'est. C'était Lauryn Hill de WAP sur France Inter, un titre qui date de 98. Belle année pour la France, 98. Non, tu es les temps changent. Non, tweet, évidemment. Alex, autour de cette table. Et bien, autour de cette table, Clara Dupont-Monod, qu'il faut citer en premier, et puis Thomas VDB, et Guillaume Meurice, qui s'y a traîné aux abords du stade, hein, hier. Oui. Et Bruno Solo, notre invité, un Belge de plus à table, ça nous fait toujours plaisir. Et avec vous, Alex Vizorek, une revue de presse. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Lui, c'est le raisonnable, elle, c'est la colérique. C'est juste faux. Lui, c'est le modéré, elle, c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. C'est juste faux. Et on commence par un son, Alex. Oui, un son de Claude Guéant qui était ce week-end sur BFM TV pour nous rappeler. Je suis l'objet, un, d'un acharnement, deux, d'une instrumentalisation de la justice, tout ça pour me détruire, pour m'éloigner de la vie politique. Voilà, donc il y est pour rien, parce qu'il y a des gens qui doutaient, même nous. Donc il est victime d'un acharnement. Enfin, vous croyez vraiment que ce serait ça? Ça peut être que ça, parce qu'il le dit. Je suis un homme honnête. Je suis innocent de toutes les accusations qui sont portées contre moi. Voilà, vous voyez. Bon, bah alors écoutez, si c'est comme ça. Ah, bah oui, bah, je comprends. Bah. Ouais. Passons à l'Assemblée. Voilà, alors. L'Assemblée qui examine un amendement pour assouplir la loi Evin, un amendement qui faciliterait la promotion de l'alcool. Oui, mais la ministre de la Santé, Marisol Touraine, n'est pas d'accord. Elle plaide pour un durcissement de la loi Evin. Mm-hmm. Pour contrer toute publicité sur l'alcool, elle prévoit même l'interdiction de toute apparition de Gérard Depardieu à l'écran. Oui. Et on reste dans la santé avec une première mondiale. Oui, une équipe autrichienne présente aujourd'hui une prothèse de jambe capable de simuler les sensations du membre amputé. Une première mondiale. Non, alors je vous vois arriver. C'est pas une émission vulgaire ici. J'y tiens. Non, mais attendez, parce qu'en fait, dans sa recherche, l'équipe autrichienne s'est inspirée de Marion Maréchal-Le Pen. Ah. Une prothèse capable de simuler les sensations de Jean-Marie Le Pen, le membre amputé du FN. Ah oui, ça va. Santé toujours. Une première en France. Une patiente a été opérée pour une sixième greffe de rein. Oui, une très belle persévérance des chercheurs français. Hein. Eux se sont inspirés de Jean-Vincent Placé, qui vient de faire l'objet d'un sixième rejet de sa candidature au gouvernement. Et une info conso, le leader mondial des voitures avec chauffeur, Uber, annonce son arrivée à Strasbourg, Nantes et Marseille. Marseille, d'ailleurs, c'est Samina Seri qui est pressentie pour tourner Uber 1, 2, 3 et 4. C'est l'histoire d'un chauffeur de Uber qui disparaît mystérieusement sur la Canebière suite à une manif de taxi. Oui, il devrait suivre une série de télé également en préparation, Uber la vie. C'est ça. Ouais. Et dans le premier épisode, il monte à 3 dans une voiture pour apprendre à rouler des joints en conduisant sous poppers. Charline, pas de vulgarité, on avait dit. Moi, je fais tout pour cette émission, ne déraille pas. Pardon, ça m'a échappé. Bon, je vous laisse terminer, là, vous m'avez promis un joli son. Un très joli son qui nous vient de Charleroi, en Belgique, où l'équipe de foot a remporté son ticket pour la Coupe d'Europe. Et ça a rempli de joie son entraîneur, Felice Mazzu. Donc, il a pris le porte-voix, il est allé vers les supporters, ils ont chanté une très très belle chanson ensemble. Imaginez Laurent Blanc dans la tribune du Parc des Princes faire pareil. J'ai sauté grand-mère. Non, c'est, mais c'est, il jouait au saut de mouton, vraisemblablement. Ouais. Donc voilà, merci Charleroi. D'accord. Voilà. Je voulais rappeler un petit peu de belgitude à Bruno Solo. Ouais. Charleroi, c'est vrai que Charleroi, c'est du surfer en général. Ce serait quoi l'équivalent en France, on pourrait de dire sauter grand-mère. Et un bonbon. En foot, ce serait Sochaux. Mais on n'imagine pas l'entraîneur de Sochaux prendre le micro et aller chanter. Il n'y a plus l'entraîneur à Sochaux. Je les ai vus jouer, il n'y a plus l'entraîneur, je te jure. En compagnie de Bruno Solo, qui joue dans Être de Farah Sen, qui sort en salle mercredi. On est ensemble jusqu'à 18h et on va mettre l'actualité dans la prise. Là, tout de suite, premier sujet, Arnaud Montebourg avait fait vœu de silence. Mais ce week-end, il a fait une rechute. Une tribune dans le JDD avec un banquier d'affaires merveilleux pour torpiller le congrès du PS. Bande d'enculés. Le duo Montebourg-Pigas met au défi le duo Valls-Macron. Mon pauvre ami, vous êtes là la perpétuelle victime de l'esprit querelleur de vos contemporains. Hein ? On vous cherche, on vous provoque, on vous persécute. Une sorte de fatalité. C'est bien ça ? À qui la faute ? Hein ? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite, et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Voilà. Lino Ventura se fait emplâtrer à droite dans Ne nous fâchons pas de Georges Lautner, dialogue d'Audiard, avec la réplique de Serge Sauvion. Alors, Bruno Solo, vous n'avez pas l'air trop du genre Valls-Macron, mais est-ce que vous seriez du genre Montebourg-Pigas ou même À partir du moment où on trahit ses idéaux, de toute façon, après, il est facile de faire semblant de revenir un petit peu dans la course et de nous faire croire qu'il nous avait avertis. Mais enfin, il a joué le jeu au début, Montebourg, et plus que ça, même, il a accepté de rentrer dans ce gouvernement. Il l'a défendu avec force et tout. Et puis, quand il a senti qu'ils allaient dans le mur, il aurait pu le voir un petit peu, il est parti. Donc, je trouve qu'il y a une certaine lâcheté, de toute façon, dans son attitude, et qu'il est bien temps de venir faire la leçon aujourd'hui. Moi, je vais juste vous demander, parce que c'est pas clair, vous doutez de la sincérité d'Arnaud Montebourg? Je ne doute. Il y a un truc dont je ne doute pas pour lui, c'est son opportunisme. Alors, justement, ce matin sur cette antenne, Jean-Luc Mélenchon a dit « Chiche à Montebourg, pourquoi tu ne fais pas comme moi et tu ne quittes pas le Parti Socialiste ?» Alors, Méluche et Montebourg, est-ce que ce n'est pas un peu comme si Jean-Pierre Mocky, Mélenchon, tournait avec Lambert Wilson? Genre, orage au désespoir, ta gueule, le Cabéflex. Voilà, je vous le refais. C'est une journée imitation. Là, c'est très difficile pour moi de me prononcer, j'ai tourné trois fois avec Mocky. Donc, c'est vrai. Voilà. Vous lui trouvez un petit côté Jean-Pierre Mocky à Méluche ou pas? Non, je le trouve plus honnête, Mocky, dans sa manière d'être. Et dans sa façon de s'exprimer. Je le trouve plus intègre dans ses colères, plus sincère dans ses emportements. Et voilà. En fait, ils sont plus comédiens, ils sont plus falsificateurs, ils sont plus dissimulateurs que ne pourrait l'être le plus cabot des comédiens. Et j'en connais quelques-uns. Il n'y a aucun politique qui trouve grâce à vos yeux ? Si, il y en a, mais je trouve que dès lors qu'ils sont confrontés à l'idée du pouvoir, à l'idée d'une réélection, à l'idée de... Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que dès qu'ils sont élus, ils n'ont plus qu'une obsession, c'est de l'être à nouveau. Donc, ils créent des réseaux et ils sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Et pourtant, j'aime fondamentalement la politique et je ne suis pas un anti-parlementaire primaire, très loin de là. Mais j'aimerais qu'ils me... à titre personnel, moi, qui me redonne envie d'aller vers eux et de leur faire confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je les écoute, à part quelques-uns, eh ben je les trouve pas très... Qui alors, par exemple ? Je sais pas. Là, je cherche. On a une question piège. Pas forcément des têtes d'affiche, mais... Gandhi, peut-être. Gandhi était pas mal. Mendès France était bien. J'aime que les morts. Et pour clore ce sujet, vous avez donc entendu cette fameuse, ou lu cette fameuse tribune dans le JDD de Pigasse et Montebourg. Et Nicolas Dupont-Aignan déclare qu'il aurait pu signer l'ensemble de l'article. Et ça. Ça, c'est quand même pas de bonne. Ça la fout mal. Alors, pour nous consoler, maintenant, c'est le moment de Thomas VDB. Ah. C'est la dualisique. C'est un mélange d'actualité et de musique. C'est la rubrique de lundi qu'il ne faut pas rater. C'est un mélange de musique et d'actualité. Alors il faut reconnaître qu'effectivement c'est un jingle, le jingle est rentré assez vite, assez rapidement rentré ce jingle. Mais l'Ardèche, un département dans lequel il fait bon se mettre au vert pour une descente en kayak, pour une rando détox, et bien après, sans attendre, l'Office du tourisme de Privas pour retrouver cet été tous les bénéfices d'un séjour au grand air. Mais l'Ardèche, ce week-end, c'était aussi le théâtre d'un rassemblement un peu exceptionnel, puisqu'il était organisé dans le village de Talencieux, à côté d'Annonay, un festival de musique appelé Pride and Hexagone. Hein, fierté et hexagone. Alors, attention, loin de moi l'idée de dire du mal des skinheads, mais comment dire, Pride and Hexagone, hein, c'est un petit peu l'équivalent du printemps de Bourges, mais avec peut-être du côté néo-nazi des choses. Hein, voilà, c'est un peu les francopholies de La Rochelle, mais pour les crânes rasés, on parle bien du solidaire de la race aryenne. Alors que des groupes de nazis, voilà, un peu de musique nazie et d'actualité, c'est l'actualnazique, puisque le visuel de l'affiche du festival est bien donné vraiment à rêver, puisqu'il représentait un gars qui met un gros coup de genou dans la tête d'un autre gars. Alors l'événement était organisé par une association qui s'appelle Sang et Honneur, évidemment. On pouvait retrouver un groupe comme Légitime Violence, bah ouais, des noms qu'on pourrait qualifier de sympatoches. Il y avait aussi, ça c'était marqué en gros au milieu de l'affiche, la participation de White Rex, hein, dont je n'ai pas réussi à savoir s'il s'agissait d'un groupe ou d'un berger allemand au poil tout blanc. Alors ces groupes, qui ne se considèrent d'ailleurs pas comme des groupes de rock, mais des groupes de rack, RAC, pour rock anti-communiste. Hein, ça, c'est le truc qu'ils ont tous en commun, c'est leur haine du communisme. Hein, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, les chansons parlent que de ça, d'ailleurs. Si vous avez peut-être du mal à visualiser ce que c'est du rock anti-communiste, il faut imaginer de véritables charges anti-Robert Hue. Hein, c'est des morceaux très virulents dans lesquels ça tire vraiment à boulet rouge sur André Lajoigny. Tout ce qui est l'univers des Colcos. Mais je rappelle quand même qu'on est en 2015. Je le rappelle quand même. Alors, heureusement, bien heureusement, pour les quelques 200 festivaliers présents, hein, je mets quand même le mot festivalier entre guillemets, hein, puisqu'il étymologiquement, on parle quand même d'une fête. Hein, le festival avait aussi prévu des activités extra-musicales, puisqu'en parallèle des concerts était organisé un grand tournoi sportif. Alors je vous laisse deviner le sport qui était à l'honneur. Selon vous, s'agissait-il d'un tournoi petit A de ping-pong, petit B un tournoi de jokari, ou petit C un tournoi de free fight? Bien sûr, c'était la réponse C, un tournoi de free fight. Hein, ce sport de combat. C'est le pays de la châtaigne en même temps. Ah, ben voilà. Mais c'est important c'est de vrai, le rappeler. Le dire. Tout ça est lié. Eh bien, voilà, sur le tournoi de free fight, ce sport de combat totalement interdit en France, dans lequel tous les coups sont permis, y compris l'étranglement. Hein, évidemment, sinon, ce serait pas rigolo. Alors, c'est interdit, mais les organisateurs sont allés au bout de leur projet. Et ça, c'est bien. Parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui se battent pour. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeunes qui se battent. Voilà. Tout simplement, hein. et un bon festival néo-nazi, s'il n'y a pas une bagarre où tous les coups sont permis au milieu, ben c'est pas vraiment un festival néo-nazi. D'ailleurs, un festival néo-nazi, c'est même une espèce de bagarre géante hein, dans laquelle il y a occasionnellement des concerts organisés. D'ailleurs, le festival était bien encadré puisqu'il avait pour partenaires Urgo et Saint-Ol. Alors, malheureusement, cette édition a donné lieu à quelques débordements. Oh non. Apparemment, on a chopé deux gars en train de se serrer la main pour se dire bonjour. Alors, on a été obligé de les séparer, évidemment. Hein, et même avec des gestes amicaux les uns vers les autres. Alors, pour vous rassurer, quand même, le maire de Talencieux, qui a tout essayé pour faire interdire l'événement jusqu'au dernier moment, explique que quelques semaines auparavant, c'était juste deux jeunes qui étaient venus pour réserver la salle des fêtes pour une soirée privée et qu'évidemment, ils n'imaginaient pas que ça pouvait être une soirée comme celle-ci. Ça aurait quand même été dommage que l'administration mette des bâtons dans les roues des associations des jeunes qui se bougent. Merci, merci à vous. Thomas. Merci Thomas VDB. Vous conseillez d'y aller en famille à ce genre d'événement? Évidemment, enfin, y aller, y a beaucoup d'activités comme on l'a entendu. C'était l'actualisie et là on passe à la vraie musique avec Bertrand Belin. Bah, pourtant c'est pas l'heure de l'apéritif. Oh. Ça c'est bien vrai. C'est parce qu'on reçoit Bruno Solo aujourd'hui. Vous êtes sur France Inter. J'ai du humour pas drôle, c'est ça? Mais il est pour rien, vous dites pour rien Bruno, restez. C'est trop dur. Folle, folle, folle. Sous une pluie, folle, folle, folle. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle, folle, folle. Folle, folle, folle, comme nous indique cette musique folle, jouée, voilà. C'était foufou, hein, c'était Bertrand Belin. Sur France Inter, nous sommes en compagnie de plus. Bruno Solo, qui joue dans Être de Pharacène, qui sera en salle mercredi. À la technique aujourd'hui, il y a Julien Dumont, Fabrice Desmas, à la réalisation Joseph Caravalona. Et à côté de vous, Bruno Solo, il y a Guillaume Meurice, qui approfondit l'investigation de jour en jour, qui devient jour en jour plus journaliste que jamais. J'ai pas fait exprès, alors pardon, c'est un accident. C'est un malentendu. Alors effectivement, moi je vais vous parler de football, parce qu'avec Alex, on aime bien venir en aide aux petites associations en difficulté. Et nous avons choisi hier d'aider une structure qui s'appelle la FIFA. Elle rassemble des gens passionnés à la fois de football et de corruption. Hein, c'est un peu un mélange du Sporting Club Molamolette et du Conseil Municipal de Levallois-Perret. Et la FIFA organisait donc un match au Stade de France, France-Belgique, où nous sommes allés avec Alex Vizorek. Il y avait beaucoup de Belges, hein, beaucoup de Belges. On se serait cru dans les couloirs de France Inter. supporters. Il y avait beaucoup d'ambiance, de joie, beaucoup d'amour aussi avant le match. Il y avait par exemple Marcel qui était en Marcel. C'était cohérent. C'est cohérent avec le titre et puis c'est aussi cohérent avec l'inscription derrière. Regardez bien, 12 inch. 12 inch, Marcel, 12 inch. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Victoire. Ça veut dire gros organe. Ça veut dire on les baise. Voilà, alors ça veut dire il est parti extrêmement sobre, il s'en va aller au fur et à mesure. C'est génial, au niveau on aurait dit un banquier. Il a dit quoi? Il a dit on est belge. Alors c'est il a dit ça veut dire gros organe, ça veut dire on les baise. Ah, voilà, beaucoup il est, d'amour. Il est quelle heure là à peu près? Là il est 18h30. C'est 18h30, on arrive aux abords du Stade de France. Match à 21h. Hein. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour, ça je vous ai prévenu. Alors c'est de l'amour un peu viril, si on considère qu'afficher la taille de son sexe sur un maillot est viril, bien évidemment. Pourquoi pas, hein, d'ailleurs, hein, les catholiques le font très bien avec leur nom. Pie XII, Benoît XVI, Jean XXIII. Félicitations, Jeannot, au passage. Toujours est-il que les Belges, ils étaient chauds hier en fin d'après-midi. D'ailleurs, il faisait très chaud, ce qui n'a pas empêché certains de se déguiser. Alors, en fait, je me déguise en lion des Flandres. Et là, c'est une bonne idée parce qu'il fait 40 degrés. Ouais, c'est une très bonne idée parce que j'ai excessivement chaud. Ça se voit pas du tout. Vous n'êtes absolument pas tout rouge. Non, non. C'est ça qu'on appelle les diables rouges. Ah et oui, les diables rouges de la cohérence toujours. Alors loin de moi l'idée de me moquer des Belges, hein. D'une part parce que mon contrat arrive à son terme fin juin. Et permettez-moi de vous dire que je vous aime beaucoup, les Belges. Et puis qu'on en a pris 4 hier. Ah oui, là on peut plus faire les malins. Et puis d'autre part parce que je ne voudrais pas alimenter le fameux complexe de supériorité français. C'est vrai qu'il existe. On considère que les supporters de foot sont un peu cons et que les Belges sont un peu idiots. Alors vous avez les deux. Prouvez-moi que vous êtes intelligent. Prouvez-moi que je suis intelligent. C'est trop compliqué ça. Déjà rien que la phrase, oui, vous avez du mal, dis donc. Bah ouais. Et on est là depuis 11h, hein. Nous, on a fait la première mi-temps avant les joueurs. Hein. En plus, nous, on a une émission présentée par des Belges, alors c'est pas le moment de passer pour un con. Ouais, mais on en a quand même en Belgique, hein. Mais vous en avez plus que nous. C'est vrai. En termes de quantité, on vous bat. Même en termes de proportion aussi, hein, il suffit de comparer les scores de l'extrême droite en France et en Wallonie pour en être assez rapidement convaincu. Mais bon, au niveau football, on allait quand même pas se laisser faire. Encore fallait-il connaître les règles du jeu, par exemple le hors-jeu. Explication par une supportrice française qui en plus se faisait souffler la réponse. C'est quand il y a un joueur... C'est un joueur qui est derrière la ligne de défense adverse. Voilà, quand tu fais une passe à la... T'as dit quoi? Un joueur qui est derrière la... La ligne de défense adverse, je sais même plus ce que c'est. Voilà, c'est pas gagné d'avance. Remarque, quand on est français, on sait pas qu'il y a une ligne de défense adverse, hein. On va jamais jusque là, donc faut pas lui en vouloir. Alors, est-ce que celui qui lui soufflait la réponse avait un pronostic? Ouais, on est optimiste quand même. On va dire 1-0 pour la France. Ouh, ça c'est l'ambition à la française, 1-0, génial. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Oh, bah je vais être optimiste, hein. Si je pouvais toucher le RSA, ça serait super. Ouh, l'ambition de folie. À propos de métier, il y en avait qui bossaient hier soir, par exemple ceux qui vendaient des drapeaux français. Bah moi je suis là, en fin de compte je vends du rêve à la France. Alors... Et il est cher le rêve que vous vendez, il est à combien? Non, il est pas cher, il faut juste s'investir avec moi tout simplement. Mais là, ça vous le vendez? Bah non, bien sûr que je le vends. Bah combien? Oh, je le vends, c'est à la tête du client on va dire. Et alors ça serait quoi alors avec ma tête à moi? Avec votre tête à vous? Bah ça serait négociable par contre, hein. J'ai une tête négociable? Voilà, et je vous l'offre. Bah et voilà, avec une bonne tête, on peut se faire offrir des choses. C'est pour ça qu'il faut pas en vouloir à Blatter, l'ex-président de la FIFA. Il avait une bonne tête. Il avait une bonne tête d'escroc, mais une bonne tête quand même. Donc il se faisait offrir des choses. Bon, laissons le mot de la fin aux Belges, dont l'équipe est deuxième au classement mondial de la fameuse FIFA. Sans jouer, on est deuxième au classement. Alors, faut m'expliquer. Hein. Je pense qu'il y a de la magouille quelque part. Je sais pas. Il y aurait de la magouille dans le foot? Non, c'est pas possible ça. Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait aussi. Non, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. On mérite notre place parce qu'on joue pas. Et voilà, très bonne conclusion. Vous méritez votre place parce que vous ne jouez pas. C'est magnifique. Et en ce qui concerne la FIFA, ils ont joué au con, ils ont perdu. Ils méritent donc leur place en prison. Merci Guillaume Meurice. Ça vous rappelle des souvenirs de votre période belge? Ah, mais moi, quand j'étais gamin, je soutenais Anderlecht. Ah bon? Oui. Et puis après, c'est bizarre parce que quand je me suis installé en Belgique, donc je suis parti, mais à l'époque où j'ai habité là-bas, je soutenais le Standard de Liège parce que je me suis rendu compte que c'était quand même l'équipe la plus populaire en Wallonie, bien entendu. Ouais. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi. Je suis allé voir des matchs là-bas, j'ai vu la ferveur autour du Standard. Et puis Anderlecht a totalement disparu de la scène européenne, hélas, mais Mais voilà, oui, de toute façon, le foot, moi, j'ai grandi avec le foot. Liège, voilà. Où vous avez tourné, Être, oui. Premier long métrage de Pharasène qui sort en salle mercredi. Alex Vizorek, il se passe quelque chose entre vous et Guillaume. Vous êtes pas mal en transition. Hein, hein, vous êtes pas mal en transition. J'ai les fils qui se touchent. Oui, parce que le 25 juin, Guillaume Meurice, oui. Moi-même et César, on joue à Gaveau et on offre des places, mais il faut que les gens, évidemment, trouvent un peu des réponses à nos belles questions. La question de la semaine dernière était, donnez-nous un alibi crédible à Jean-François Copé pour l'affaire Big Malion. Et on a trois gagnants. Romain Laminette a dit j'avais piscine chez Takedine et j'ai des preuves, donc deux places pour lui. Nous avons JLA MLA, je sais pas qui c'est, mais on va prendre contact avec lui, qui nous dit il était sans doute en week-end chez les Balkany et c'est un bon alibi. Oui, sans doute d'ailleurs que Patrick dirait oui, c'est ok. Et enfin, Antoine Trabut, je lui donne des places parce qu'il a dit j'écoutais France Inter, du coup j'ai oublié de tout annuler. Et ça, comme il nous graisse un peu la patte, bah, on est obligé de lui donner deux places. On aime bien les faillots. La question suivante pour cette semaine, quels ont été les premiers mots de Didier Deschamps en entrant dans le vestiaire hier après le match? Et on répond où ça? Sur Facebook, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur la page sur franceinter.fr. C'est la modernité. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Bruno Solo. Deuxième sujet, Manuel Valls est allé à la Ligue des Champions, puis à Roland-Garros. François Hollande ira aux 24 heures du Mans samedi, puis ce sera le défilé des politiques autour de France. Alors il y a ceux qui regardent le sport et ceux qui font le sport. Salut à tous. Bon, moi aussi, je suis parti courir. Ce soir, là, tous ceux qui font le marathon de Paris, je vous rejoindrai pas parce qu'un marathon dans la journée, pour moi, c'est trop dur. Pour tous les jours, un marathon par semaine, ça va. Un marathon d'un seul coup, je suis pas comme vous, j'ai pas votre force et votre énergie. Bonne chance. En espérant qu'on lui dise le contraire. Vous allez bien souffrir. Ah non, Nicolas, non, je te jure, t'es fort, t'as une telle énergie. Je vais écouter tous les jours cette bande. Ces petites cuisses musclées dans son petit shirt, ça vous fait rien, vous? Ah non, ça me fait strictement rien. Alors, Manuel Valls s'est fait allumer pour son aller-retour en plein congrès PS. Aller-retour en Falcon, destination Berlin et la Ligue des Champions pour voir le Barça jouer contre Turin. Alors, c'est marrant parce que tous les politiques s'affichent passionnés de sport, sauf Juppé. Et alors Juppé, lui, tranquillou, en plus, il est le favori des Français, de toute façon. Mais comme les Français, ils sont pas très sportifs, a priori, c'est lui qui devrait gagner. Il n'y a pas une culture sportive très forte en France, quand il peut y en avoir dans certains autres pays. Mais alors, pourtant, ils font ça pour se rapprocher du peuple, bien sûr. Ça rapproche. Ils se rapprochent du peuple dans le sens où la plupart des Français regardent le sport plus qu'ils ne le font. Ouais. Et voilà, il doit regarder le sport à la télé, il a mis des crampons sous ses mules, sous ses charentaises, et il se dit, voilà, moi, je suis sportif, je regarde le sport comme vous. Voilà, je suis comme vous. Pas besoin de faire des jogging devant la caméra, donc comme Sarkozy. Il semblerait que ça lui plaise. Hein. Il aurait peut-être été un plus grand coureur qu'un homme politique, peut-être Sarko. Peut-être qu'il aurait dû faire ça, en fait. C'est vrai. Chirac avait choisi le sumo, quand on y repense. On aurait dû s'inquiéter. Bon, ouais, mais moi, je trouvais ça très mignon. Tu aimes le sumo, parce que déjà, c'est un sport magnifique. Mm-hmm. C'est tout un art, c'est une philosophie. C'est un sport assez impressionnant à regarder. Oui, et ça donne une autre dimension. Oui, puis c'était cohérent par rapport à son amour de la culture japonaise et de l'art japonais. Donc il était assez cohérent avec lui-même. Mais de toute façon, il adorait les sportifs. Jospin aimait le sport, il en avait fait, mais lui, il aimait les sportifs. Enfin, on a tous cette image en tête encore extraordinaire de Chirac le jour de la finale de 98 en train de gueuler le nom des joueurs dont il ignorait tout. D'ouvrir la bouche. D'ouvrir la bouche. Et là, vraiment, il était extrêmement touchant, quoi. Voilà, l'homme me touchait, le politique me concernait moins, mais voilà. Clara Dupont-Mono, si vous devez tousser ou vous racler la gorge, c'est tout de suite, parce que c'est votre moment. Non, mais moi, ça y est, le jingle, je l'ai fait, là, en toute discrétion. Très bien. Et bien oui, parce que l'actualité, Charline, c'est le congrès du PS, quand même, qui s'est tenu ce week-end à Poitiers, et il faut bien reconnaître, mais que de douleur, que de douleur. L'organisme PS jouait quand même son pronostic vital, et puis chacun à la tribune y est allé de son diagnostic, de son remède miracle, a promis la guérison, et ça faisait mal au cœur, mais que de souffrance, mais que de souffrance. D'accord, Bruno Solo. Ah bah oui. Ça suintait la souffrance, mais voilà. Enfin, j'ai pas regardé en direct. Hein. Ah, vous auriez dû. Ouais, vous auriez dû, parce que je regarderai le replay plus tard. Voilà, c'était les soins palliatifs en direct. Alors, comme si la littérature avait anticipé cette douleur du PS, un livre vient de sortir qui s'appelle En d'atroces souffrances et il est signé d'Antoine Debecq. Il est paru chez Alma Éditeur. Alors en fait, juste un petit mot sur la collection, c'est que les éditeurs de chez Alma Éditeur sont partis d'une phrase de Pablo Picasso qui disait que les thèmes fondamentaux de l'art sont, je cite, la naissance, la grossesse, la souffrance, le meurtre, le couple, la mort, la révolte. Et peut-être le baiser. Voilà. Donc, ils ont demandé à des auteurs de choisir un thème et d'écrire à chaque fois sur un de ces thèmes. Et d'ailleurs, ils ont baptisé leur collection Pabloïde, ce qui est une jolie idée quand même. Très beau. Et voici que notre Antoine Debecq, lui, il a choisi la souffrance. Donc, il étudie l'idée de douleur à travers les siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'au congrès du PS à Poitiers. Oh, c'est pas dit comme ça, mais c'est induit. Et donc, alors, déjà, voilà qui devrait... Il a fini hier son bouquin. Alors, déjà, voilà qui devrait, à mon avis, intéresser Jean-Christophe Cambadélis, c'est que pendant très longtemps, nous apprend Antoine de Bec, la douleur a été considérée comme une information. C'était pas quelque chose de dramatique. Un corps qui souffre, c'est un corps qui parle, donc qui dit où il a mal, et donc, mine de rien, c'est quand même un corps qui vit. D'ailleurs, Descartes, le premier, disait que la souffrance lui permettait de sentir son corps et de ne faire qu'un avec lui. Donc, en gros, c'est « je souffre, donc je suis », ce que s'est dit le PS pendant 4 jours, visiblement. Alors, cette théorie doloriste, elle a été très en vogue chez les médecins du 19e siècle, qui considéraient la souffrance comme bienfaisante. Le seul revers de la médaille, c'est que ces médecins, évidemment, condamnaient les anesthésiants, la morphine, les antidouleurs, d'où l'utilisation de moyens de guérison souvent plus douloureux que la souffrance initiale, notamment l'usage de la saignée, nous rappelle Antoine de Bec. Et d'ailleurs, le départ d'Anno Montebourg, ou en tout cas la révolte, ou son coup de sang, écoutez bien les mots, dans le JDD d'hier, peuvent être vus comme la saignée du Parti Socialiste, c'est-à-dire, ça n'arrange rien du tout, mais ça fait juste un peu plus mal. Alors, il existe un autre paramètre qui fait que la douleur marche souvent avec l'amour. Il faut bien être honnête quand même, ça marche avec l'amour. Les deux notions sont liées depuis l'aube de l'humanité, depuis le commencement du PS. On se mord en s'embrassant, écrit Antoine de Bec, on s'étreint à se briser les os et on gémit de joie. Et c'est vrai, il y a toujours un rapport assez proche entre les deux. La littérature, elle est truffée d'histoires passionnelles. Antoine de Bec, il en choisit une très précise, celle d'Alfred de Vigny et de Marie d'Orval. Marie d'Orval, c'était une star à l'époque, au 19e siècle, une star de la comédie. Et elle n'a pas arrêté de bouder, de s'insurger, puis après de revenir. Je vous signale que Martine Aubry, elle fait un peu pareil, elle torpille le gouvernement, et puis après elle vient soutenir la motion Cambadélis, et puis après finalement elle ne va pas être sur la photo de famille du PS. Et puis finalement, ce pauvre PS en perd son latin. Sachez que plus vous me parlerez de tranquillité, moins je vous en laisserai, écrit non pas Martine Aubry à François Hollande, mais Marie d'Orval à Alfred de Vigny, lequel note dans son journal « Rêvez cette nuit que je dévorais le squelette de Marie ». Donc oui, il y a des histoires d'amour qui ressemblent à des congrès du PS. Alors quand même, une consolation, c'est que la souffrance peut être féconde, mais à une condition, c'est si on décide de la dépasser. Et dans notre société, qui ne jure que par la performance, qui adore les corps jeunes, non souffrants, justement, eh bien, la dernière zone d'affrontement avec la douleur, écrit Antoine de Bec, c'est le sport de haut niveau. C'est Jacques Anquetil qui disait « Il faut savoir rester sourd au hurlement de l'organisme ». C'est la nageuse Camille Muffa qui reconnaît « C'est quand je n'ai pas mal qu'il y a un souci ». Et effectivement, la victoire d'un sportif, c'est très souvent d'abord celle du corps sur la souffrance. Donc tu vois, cher PS fracturé de partout, tout n'est pas perdu. Et je te donne les références de ce livre qui parle de toi, En d'atroces souffrances d'Antoine de Bec, est paru chez Alma Éditeur. Merci Clara Dupont-Monod. On peut retrouver toutes les références de vos livres et réécouter vos chroniques, bien sûr, sur franceinter.fr, sur la page de l'émission et votre page personnelle. Et oui, c'est mon jingle. Nous sommes en compagnie de Bruno Solo qui joue dans un premier long métrage. C'est important, un premier long métrage, Être, de Farah Sen, qui sera en salle mercredi. Il y a un parcours assez étonnant d'ailleurs. En un mot, Farah Sen, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que c'était un ancien sportif. Il était basketteur de haut niveau, de très haut niveau, puisqu'il jouait en deuxième, l'équivalent de la deuxième division du basket français. Donc c'est déjà c'est un professionnel. Et puis, il a été blessé et il était donc désœuvré, une blessure dont il ne s'est pas remis. Il a décidé d'écrire. Il s'est découvert un talent pour l'écriture alors qu'il ne le soupçonnait même pas. Et comme il était face à sa douleur, face à son inaction, il a écrit beaucoup de scénarios, dont celui-ci. Et je trouve ça bien d'être passé justement par cette douleur pour renaître de cela et proposer une œuvre quoi, à part entière. Et son parcours est vraiment intéressant. Et il y a une question qu'on lui pose souvent pour l'avoir entendu en interview, c'est que, évidemment, comme il a joué en équipe et que le tournage c'est une équipe, alors c'est souvent lui qui explique comment ça s'est passé. Vous avez vraiment senti que vous aviez affaire à un réalisateur qui était... J'étais surtout assez épaté parce qu'il avait une méconnaissance technique inhérente au fait qu'il débutait, mais il était d'une précision et surtout, il avait une vision globale de son projet, une vision exacte de ce qu'il voulait faire et il savait parfaitement le retranscrire pour que tous les techniciens chevronnés, cette équipe belge qui était des techniciens très chevronnés, le chef-op, l'ingé son et tout, ils étaient vraiment très bons. J'avais déjà bossé avec eux, c'était des types très forts. Ils étaient tous tendus vers le même objectif parce qu'il avait une sorte de pas de bienveillance, mais une sorte de... Il était sûr de lui, il était assez sûr de son fait, comme peuvent l'être les sportifs, etc., avec une vision... Droit sur l'objectif. Droit sur l'objectif, quoi, et c'était assez impressionnant. Et même dans sa manière de diriger les comédiens, pourtant, a priori, il n'avait pas beaucoup d'expérience en la matière. Donc s'il y a des sportifs qui nous écoutent et qui écrivent un premier film, je pense notamment à David Douillet... Ou à Franck Ribéry. Vous êtes prêts à vraiment jouer dedans. Je veux lire avant, hein. Oui, voilà. Je veux lire avant. N'hésite pas, oui, Franck. Donc il y a un auteur derrière l'ancien sportif, ancien basketteur Farah Sen. Donc Être, c'est son premier long métrage en salle mercredi avec Bruno Solo notamment, parce qu'il y a évidemment plein d'autres personnages à l'affiche. On peut en citer quelques-uns. Salim Kechouche, Benjamin Ramon, Jenna Timba, entre autres. Karina Testa, formidable. Et Kevin Diana. Vous êtes sur France Inter, on va aborder avec vous, Bruno Solo, le troisième sujet. Paul McCartney jouera au Stade de France jeudi, de la guitare, hein, je précise, des chansons, tandis que les albums solo de John Lennon sont réédités en vinyle au même moment. Donc le Figaro fait toute une page aujourd'hui et explique que l'ombre de John Lennon plane sur la guitare de Paul McCartney. Paul McCartney est l'auteur de Yesterday, une chanson dont la version française est injustement méconnue. Hier, tous mes troubles semblaient si loin. Maintenant, on dirait que c'est comme s'ils allaient rester ici. Oh, je crois en hier. Soudainement, je ne suis plus la moitié de l'homme que j'avais l'habitude d'être. Il y a une ombre pendant au-dessus de moi. Oh yeah, est venu soudain. Vous n'avez pas reconnu Bruno Solo, c'est très très difficile à reconnaître, c'est Philippe Geluck. Ah oui. Qui faisait des chroniques qui s'appelaient Le Docteur G, notamment sur France Inter et sur la RTBF aussi. Ah ouais, c'était génial. Et voilà, il joue là un jeune musicien. Ah ça y est, ça me revient, je l'ai vu, il me l'avait montré quand j'étais allé chez lui, il me l'avait montré ce truc-là. Ah oui, quand vous étiez en Belgique, vous êtes croisés. Oui, on voilà. s'est Et donc souvent. Il joue un jeune guitariste qui adore la guitare électrique parce qu'il aime beaucoup l'électricité et il chante des chansons des The Beatles. On peut donc toujours voir sur scène, et avec beaucoup de plaisir, Paul McCartney, 72 ans, dont 6 de Botox. John Lennon a disparu depuis 30 ans, mais il est toujours profondément lié, évidemment, à l'auteur des The Beatles. Alors, est-ce que vous voyez toujours, quand vous voyez Paul McCartney, il est indissociable, vous voyez toujours un peu l'ombre de John Lennon quand vous l'écoutez ou quand vous le voyez. C'est difficile, hein, l'un sans l'autre, les Beatles n'auraient pas existé. Et puis après, très vite, dès 65-66, ils sont séparés, ils se sont très vite plus entendus. Mais comment faire coexister deux génies pareils? C'est vrai qu'on est un peu injuste avec McCartney. Moi aussi, je suis plutôt Lennon. Hein. Surtout la carrière solo après. Mm-hmm. Les albums de Lennon, même des albums maudits comme Walls and Bridges, c'est des albums absolument géniaux. Et McCartney, je suis un peu plus réservé sur certains de ses albums, pas tous. Avec les Wings, bon, il faisait de la bonne pop, etc. Mais je préfère John Lennon. Mais en revanche, une chanson comme A Day in the Life, c'est l'incarnation même de la réunion de ces deux génies. Parce que A Day in the Life, qui est peut-être la plus belle chanson des Beatles, c'est vraiment une œuvre commune. Mais c'est une des rares, hein, la plupart c'est des chansons. C'est deux chansons collées. Oui, c'est deux chansons collées avec c'est un pont. Une chanson de McCartney, un bout de Lennon, et puis ils ont dit tiens, on va les coller. Puis ça, ouais, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ressemble à une chanson des Beatles, c'est qu'il y a une unité dans la chanson et tout. Mais c'est vrai que McCartney, il a eu la malchance de survivre à John Lennon. C'est pour ça qu'il est entré dans la légende, Oui, bien sûr. Vous qui avez aussi été un duo, si vous arrivez quelque chose, est-ce que vous aimeriez qu'Yvan Le Bolloc arrête la guitare ou non? En règle générale, j'aimerais bien qu'il arrête la guitare, de toute façon, même s'il m'arrive rien. Parce que moi, je l'ai écouté débuter sa carrière de guitariste quand nous présentions le top 50. Il savait jouer, il savait pas jouer, en fait. Et il apprenait, et pendant que moi j'écrivais et tout, j'avais des cotons-tiges dans les oreilles, et lui, il apprenait la guitare. Ça a été un moment très pénible. Il nous répondra le vendredi 19 juin, car nous serons en direct et en public du studio 104, en compagnie d'Yvan Le Bolloc et de son groupe Ma Guitare S'appelle Revient. Il nous a dit jouer avec mon groupe, on ne sait pas combien ils sont. C'est un groupe de gitans, donc ça varie. En fonction du nombre de cousins qui l'accompagnent. C'est vrai, alors écoutez. Peuvent venir à 50 ou 2, voilà. Si c'est disputé alors, la veille. Alors dépêchez-vous de réserver vos places pour le 104 le 19 juin sur le site maisondelaradio.fr, parce que comme Yvan Le Bolloc va venir. Il restera deux places, parce qu'il garde sa caravane devant. Et donc on vous recommande cet article dans le Figaro, le cahier culture du Figaro, où on explique que McCartney est obligé de s'acoquiner avec Rihanna ou Kanye West pour ne pas devenir ringard et continuer à entretenir la flamme de la vedette internationale. Oui, évidemment, il n'a pas besoin d'eux, mais il les prend quand même. Vous êtes sur France Inter avec Bruno Solo. Et c'est l'heure du sketch. Proposition de sketch, je vous écris un rôle Bruno Solo, est-ce que ça vous convient? Vous êtes Manuel Valls. J'ai plus le choix. Oui, mais non, peu de gens refusent. Alors attention, vous êtes Manuel Valls parce qu'il était à Berlin, et alors évidemment ça a posé des problèmes. Pourquoi il a été, évidemment vous êtes en vert sur la feuille, pourquoi il a, évidemment la France, c'est un fait polémique. Mais lui il a dit, mais c'est parce que j'allais voir Platini. Et évidemment, Platini c'est Guillaume Meurice, nous sommes dans les tribunes avant la finale, c'était samedi soir. Ah, Manuel, comment vas-tu? Ben, bon, Michel, si on vous pose la question, vous dites que c'était important qu'on se voit. Oui, ouais, pas de problème, j'ai déjà fait ça avec Blatter. Mais sincèrement, Manuel, t'aimes le foot? Non, je m'en fiche complètement. Ah. Mais j'avais tellement envie de quitter Poitiers. Ah ouais, non, ça je te comprends, non, mais laisse tomber la politique, écoute. T'as raison, Michel. D'ailleurs, je me présenterais bien comme président de la FIFA. Non, attends, parce que là, ça m'arrange pas, ça, par contre. Ah ouais, pourquoi? Parce que t'es intéressé? Non, mais disons que, bon, on a toujours tendance à regarder le poste d'au-dessus, quoi. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. C'est vrai, t'as raison. Hein, surtout quand le mec qui a le poste est une sacrée brêle. Hein, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. T'as tout à fait raison. Voilà, hein, puis on a la belle vie dans le foot. Toi, tu bosses comme un dingue. Disons qu'en ce moment, ça va, là. Tiens, dommage, je vais à Roland Garros. Ah oui, non, c'est cool, en fait. D'accord. Mais tu vas pas voir les Bleus? Non, faut pas déconner non plus. Ah ouais. Mais toi qui t'y connais, on va leur mettre une branlée aux Belges, non? Oh, mais c'est sûr, attends, si on perd contre les Belges, moi je ferme mon compte en Suisse direct. Hein. Salut les garçons! Ah, salut Miss, je te présente Manuel. Bonjour madame. Si tu as besoin d'elle, elle peut t'aider éventuellement. Si... Vous cherchez une place de ministre? Non. C'est bête parce qu'il me reste un portefeuille. Madame. Ah, mais ça, moi ça m'intéresse le portefeuille. Très bien, je peux prendre, d'ailleurs je vais prendre vos coordonnées. Oui, alors moi c'est Zaya. Ah ouais, formidable, j'ai entendu parler de vous. Eh bien, je vais vous mettre aux finances. Tiens. Excellente idée, Manuel. Pour sucer le contribuable, tu trouveras pas mieux. Ah, qu'est-ce que tu me fais marrer! Merci Bruno Solo. Quel Bruno Solo. Non, Guillaume Vizorek. Non. Sur la chute, c'est pas moi. Ça ressemble à du Vizorek. C'était Michel Platini, Emmanuel Valls, Guillaume Meurice et Bruno Solo. Bruno Solo, je rappelle que vous jouez dans un film qui sort mercredi en salle, Être de Farah Sen. Un premier long métrage. Mais oui, pour que le deuxième existe, allez le voir, même si. Soyez curieux, allez voir un auteur. Allez voir des nouveaux films. Et voilà, ça va vous coûter peu cher parce qu'en plus ils font des prix sur les entrées. Non, je déconne. Et c'est pour attirer les gens au cinéma une fois qu'ils viennent devant. Ah non, c'était les conneries. Chiant, merci Bruno Solo, c'est la fin de cette émission. Eh bien, on laisse Jacques le mot Brel. De la fin. On laisse le mot de la fin. Allez, Moi, je roule tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre.